Yeah. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. Vous venez d'entendre la voix, l'une des deux voix de Alice in Chains, Jerry Cantrell. Jerry Cantrell et son tout premier album solo, Boggy Depot, avec ce morceau Dick Eye, mais qui n'aurait pas vraiment dépareillé sur un album comme Dirt, bien entendu. Il nous manquera toujours la voix d'un certain Lane Stanley, tristement disparu. Notez que Jerry Cantrell sort son nouvel album solo, I Want Blood, aujourd'hui même. On va revenir sur un album live du Cult, du Blue Oyster Cult, ce groupe qui nous a sorti pas mal de différentes sorties depuis qu'ils ont signé sur Frontiers Records. Dans ce 50 Anniversary Live Second Night, ils avaient sorti en fin d'année 2023 le First Night, et on s'enchaîne avec l'un des classiques du groupe difficile à on va dire donner un style définitif, mais de prog hard rock occulte qu'est Blue Oyster Cult. Ce sera le 7 Screaming at These Busters. We'll be right back. Superbe rendition que ce Seven Given Disbuster par le groupe Blue Oyster Cult. Et on va rester un petit peu dans le Jean-Michel Nostalgie dans Overdrive avec Mike Tramp qui nous sort une ressortie des enregistrements de White Lion. Ce sera sorti sur le label Frontiers Records avec Songs of White Lion Part 2, Volume 2. Et j'ai choisi de diffuser un album de. Donc un morceau extrait d'un album de White Lion que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agira de leur dernier Main Attraction. À l'époque, dans ce groupe-là, il y avait bien sûr ce chanteur danois, Mike Tramp, et un excellent guitariste qui s'appelait Vito Bratta, qui est maintenant. Qui a disparu de la circulation, qui ne fait plus partie des réseaux ou alors de la scène musicale au sens large. Et il manque terriblement puisqu'il avait un jeu. Comme dans l'esprit des grands shredders de l'époque, mais avec un vibrato et un toucher vraiment sublime. Ce sera un extrait de cet album d'enregistrement de White Lion, Songs of White Lion Volume 2 avec Lights and Thunder. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. On aura des orages du côté de Saint-Étienne ce soir. There will be no crying. There'll be lights. Yes, vraiment un superbe morceau. Si vous avez apprécié, jetez-vous sur la version originale parue sur l'album The White Lion Main Attraction. C'était le morceau Lights and Thunder. On va rester dans le hard rock mélodique avec Full Tilt Overdrive, le dernier album de House of Lords, sorti là aussi sur Frontiers Records, qu'on envoie tout de suite avec le morceau Cry of the Wicked, qui reçoit de très bonnes critiques jusqu'ici. Donc faites-vous vos propres avis sur ce dernier album de Cry of the Lords. We'll be right back. Yes, voilà pour le groupe House of Lord, Cry of the Wicked, extrait de cet album Full Tilt Overdrive. Il est 21h, quasiment 22h sur le 895 de Dio. Il est temps maintenant de passer à un excellent groupe américain qui nous ressort ici son premier album, Curse of the Damned. J'ai bien sûr nommé Night Demon. Curse of the Damned, ce groupe-là, il nous l'avait présenté. Cet album-là, il nous l'avait présenté au Thunderbird de Saint-Étienne, il y a de ça, il y a quelques années, et on avait passé une soirée mémorable ensemble. Depuis, ils sont repassés en première partie d'Accept au fil, et ce morceau fait toujours mouche dans leur setlist. Curse of the Damned par Night Demon. We'll be right back. Yes, excellent que Sir Curse of the Damned par le groupe Night Demon. Ils reviennent sur Saint-Étienne quand ils veulent. On continue maintenant avec les Suédois de Sun, de plutôt Grand Magus, qui nous reviennent avec leur album Sun Raven. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Grand Magus, ils ont commencé un petit peu façon Doom avant d'enchaîner vers du Stoner, avant de s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus guerrier avec des thématiques que ne renierait pas un certain Manowar. Pour vous faire la présentation, voilà, donc à première vue ça paraît un petit peu difficile à appréhender, alors que pas du tout, ce sont des morceaux ultra catchy. C'est un groupe qui pue l'authenticité et l'honnêteté dans chacun de ses titres, hein, et qui nous offre cet excellent chanteur que l'on a vu bien entendu au sein de Spiritual Beggars. À noter que Ludwig Witt en faisait également partie. Donc Spiritual Beggars, un groupe qui manque beaucoup à la scène, mais ne pleurons pas, puisqu'on a ici Grand Magus qui fait un excellent taf. Sun Raven, tout de suite, leur morceau titre, ça voit le jour sur Nuclear Blast. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le dernier album de NC Ferrum, ça s'appelle Winterstorm Vigilantes, ça voit le jour sur Metal Blade Records, donc on a fait une petite progression de heavy metal guerrier en passant de Grand Magus à NC Ferrum, mais c'est terminé pour le style là, puisque avec Seeds of Mary qui nous sort cet album Love, j'adore tout particulièrement la pochette sur laquelle on voit un cœur en flamme muni d'un revêtement léopard sur une pochette avec une esthétique assez sobre, du plus bel effet. Ça voit le jour sur la Clonosphère, donc on avait déjà eu Seeds of Mary en interview il y a de ça quelques années. Ils font une musique à la fois moderne mais également d'influence des 90s et tout particulièrement de Jerry Cantrell et son Alice in Chains The Group, et j'ai décidé de diffuser le morceau Parasite Paradise tout de suite sur un titre qui fleure un petit peu les 90s et qui se développe avec un gros son ensuite pour Seeds of Mary. Yes, excellent que ce Seeds of Mary, tout de suite avec cet album Love et le morceau Paradise, Paradise. On continue sur Overdrive avec quelque chose d'un peu plus rapide, Loco Muerte, Parano Booster, ce dernier album sorti sur MNO. Music, le groupe enchaîne ici les dates. Ils sont toujours aussi cool sur scène et on va s'envoyer Demonios tout de suite par cet album Parano Booster avec une pochette d'influence Las Vegas Parano ici. Yeah! Yes, les excités de Loco Muerte, tout de suite, Demonios, extrait de cet album Parano Booster, sorti sur MNO Music fin septembre. On continue avec un projet assez barré, assez particulier. Là aussi, ça s'avérera Master Boot Records. De quoi il s'agit ? Il s'agit tout simplement d'un groupe qui n'en est pas un, puisqu'on a ici un projet qui est... uniquement constitué, on pourrait dire, de programmation MIDI, donc par un féru d'informatique musicale qui fait ça un peu dans son côté et qui sort de vrais morceaux de métal qu'on croirait enregistrés par un vrai groupe. Donc le projet a plutôt bien marché. Le groupe a maintenant sorti 3 albums. Il s'agit du dernier qui s'appelle Hardwares et qui sort sur le prestigieux label Metal Blade Records. Et le groupe fait même des concerts. Donc ils sont accompagnés ici sur scène d'un véritable guitariste. Voilà. Et sur ce dernier album, on retrouve néanmoins quelques touches de guitare avec de vrais solos de guitare qui ont été enregistrés pour doubler certains claviers. Ce qui est marrant également, c'est que sur cet album Hardwares par Master Boot Records, on retrouve tous les morceaux, titres de chansons, sont des parties d'un ordinateur. Donc on a GPU qui est la carte graphique, CPU qui est le processeur, RAM, HD pour le disque dur, etc. C'est assez marrant et on a là un véritable concept, Master Boot Records, avec ce Mobo qu'on écoute tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre ce groupe Split Brain qui nous sort du heavy metal, enfin plutôt du death metal mélodique avec cet album chanté en français écrasé par notre héritage et c'est le morceau acteur de notre déchéance. On va passer au chantre du death metal américain et égyptien en même temps. J'ai bien sûr nommé Nile qui vient de sortir son dernier album sur Napalm Records. Toujours aussi technique et rapide, une petite leçon de violence. Voilà ce que c'est que Nile. We're selling. Vous venez d'entendre Whitechapel avec ce Visceral Wretch et il est temps de maintenant conclure Overdrive et on va se quitter avec cet album Crimson Veil ou Veilité progressif. Ce sera cet album Hex qu'on va débuter dans quelques instants avec le morceau Illuminate. Le temps pour moi de rappeler le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour avoir les liens des podcasts, des émissions qui sont uploadées petit à petit et également la plateforme Mixcloud, là aussi vous retrouverez les podcasts des émissions. Je vous souhaite un agréable week-end plein de musique et on se dira à la semaine prochaine. Merci, ciao, bye bye. N'oubliez pas, on aura encore une fois de nombreuses émissions et également interviews réalisées du côté du motoculteur cette année avec la Ferraro qui est encore du très très lourd qui arrive, notamment un groupe de death metal progressif qui commence par qu'on aura en interview très prochainement. J'en dis pas plus. Merci. Ciao. Bye bye. Yeah.